Les participants à la 4e conférence des pêcheurs exemplaires de l'armée populaire de Corée ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung. Ils ont visité également le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Daesung, le musée de la guerre de libération de la patrie, le palais des sciences et techniques, le muséum de la nature et le zoo central.